Oh, le joli générique chatoyant que vous entendez derrière moi, ce sont les sons de Jean Cohen Solal et c'est le Capitaine Tarte aux Pommes. La dernière fois, on s'était attardé avec l'ami Tony sur le Capitaine Cœur de Bœuf, le Capitaine Beefheart. Le Capitaine Tarte aux Pommes, j'en parlerai. Ah bah oui, il va falloir que j'en parle, un de ces quatre. Peut-être ce soir, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, on en est à la lettre C. Et si vous n'écoutez pas Radio régulièrement, peut-être que vous ne savez pas de quoi on parle au pied de la lettre, eh bien je vais vous expliquer. Au pied de la lettre, ce sont des hors-séries de vraiment autre chose, la petite émission musicale sans prétention d'obédience progressive du jeudi soir. Et au pied de la lettre, eh bien c'est notre tentative d'exploration radiophonique de la Nurse with Wound List. Alors, Nurse with Wound, la Nurse with Wound List, c'est une liste qui était, comme son nom l'indique, qui apparaissait dans le premier album du groupe Nurse with Wound en 1979. Et les musiciens de Nurse with Wound, et particulièrement John Fogerhill et Stephen Stapleton, ont adjoint une liste de leurs influences. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Bah, c'est tout un discours musical. Ces gens-là se considéraient comme étant non-musiciens, prétendaient ne jamais avoir touché un instrument avant d'enregistrer un album, et annonçaient à qui voulait l'entendre qu'il n'y avait pas besoin de prendre des cours de musique pour être un musicien, il suffisait de savoir écouter et de savoir entendre. Et donc ils adjoignent la liste de toutes les influences qui les ont marquées, liste de 300 noms, enfin 300 parce qu'elle a été étendue dans le deuxième album de Nurse with Wound en 1981, 300 noms donc de cette liste, Nurse with Wound list, qui aurait pu rester un bête papier dans un disque vinyle, mais qui en fait au fil des années est devenu une espèce de mythe. Il fallait avoir connaître tous les groupes de la Nurse with Wound list, il fallait posséder les disques, d'ailleurs les disquaires ont commencé à mettre des petits intercalaires Nurse with Wound list pour indiquer les listes, les disques faisant partie de cette liste. Certains labels se sont mis à tout ressortir, à ressortir dès que c'était possible la plupart des albums, et voilà comment 300 noms, la plupart obscurs, certains très connus, mais la plupart obscurs, sont restés dans la lumière grâce au travail des musiciens de Nurse with Wound, grâce à la passion qui s'est emparée des collectionneurs et des fans de musique progressive et avant-gardiste de ces noms-là. Et c'est ainsi que Nurse with Wound List est devenue une espèce de saint graal pour tous les fans de musique avant-progressive. Nous sommes nous aussi des fans de musique avant-progressive, alors sans parler de saint graal, on a nous voulu s'attaquer à cette liste-là, juste pour plonger un peu dans le son des années 60, 70, 80, de voir ce qui s'était fait d'expérimental, de novateur, de surprenant à l'époque, et la surprise elle marche encore de nos jours, comme on va essayer de vous en rendre compte ce soir avec les camarades qui m'entourent, à commencer par l'inqualifiable, le superlatifable Guénolé qui est dans les studios avec moi ce soir. Bonsoir camarade. Salut Manu, salut Nico, salut Tony, et puis pas de quête de Saint Graal, mais bon, avec Guénolé, Ab Graal. Oh là là, ça démarre sur les chapeaux de roue. Tu m'as teasé, tu m'as spoilé là, la présence des deux camarades qui, eux, sont avec nous depuis Cherbourg et depuis Bruxelles. On va commencer par Cherbourg avec l'ami Tony. Bonsoir Tony. Bonsoir Toulouse. Nous sommes très contents. Le printemps est arrivé à Cherbourg. Le soleil est là aujourd'hui. J'espère qu'il va rester. Eh bien, le soleil est chez nous aussi. Est-ce qu'il y a du soleil en Belgique, à Bruxelles, Nico? Tout à fait, mais le soirée commence à tomber, donc ça change un petit peu. Je pense que dans une petite heure, on est dans le noir, mais actuellement, il y a encore un peu de soleil. Donc oui, avec un bon cocktail avec ça, ça marche super bien pour commencer cet épisode de vraiment autre chose. Eh ben ouais, on va commencer sur les chapeaux de roue. Ouais, mais pareil, chez nous, c'est plein soleil. En plus, les terrasses, les quais de la Garonne, enfin, tout commence à être à nouveau envahi de gens. Et ça fait un peu du bien de voir ces petits airs de fête qui nous avaient quand même pas mal manqué. Voilà, tu dis un truc et puis en fait personne rebondit parce qu'il n'y a pas spécialement à rebondir et du coup ça crée comme une espèce de malaise, je me sens pas bien. Donc quand je me sens pas bien, qu'est-ce que je fais? Je me réfugie dans de la bonne musique, donc du coup on va s'écouter un peu de bonne musique, hein. Je vois vraiment que cette solution. Et je vais commencer le bal par un groupe allemand, parce que bon, on va pas se mentir là, on peut faire un espèce de petit bilan. On a déjà fait 8 émissions, donc on a fait un cinquième je pense de la liste, donc on peut complètement dire que la Nurse with Wound list, on va pas se mentir, soit c'est de l'expérimental abscon imbitable, soit c'est du krautrock, soit c'est des groupes qui ont été influencés par Frank Zappa. Pour l'instant, ça rentre toujours dans, à peu près dans ces trois cases-là. Je pense qu'il reste un peu le côté un peu folk, trad, je sais pas, chatoyant, mignon, progressif, mais plus folk. Quoi. Oui, bien sûr, là je caricature. On a aussi écouté de la Zeul, on a écouté du théâtre chanté. Enfin, là j'en rajoutais un peu, mais c'était histoire de présenter le groupe qui va suivre, qui s'appelle Cornucopia, qui est un groupe allemand, donc un groupe de krautrock, mais pas forcément et pas que, c'est ça qui est assez intéressant. Cornucopia, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? J'ai pas mes notes, donc du coup je vais pas vous présenter le nom de ces musiciens qui de toute façon ne sont pas apparus dans d'autres groupes, et en plus Cornucopia n'a sorti qu'un seul album. Mais suffisamment bon pour taper dans l'oreille de Steven Stapleton et pour taper dans notre oreille par le biais du dit Steven Stapleton, qu'on remerciera jamais assez. L'album s'appelle Full Horn. Bon voilà, ce sont des hambourgeois, cinq musiciens hambourgeois qui font de ce groupe Cornucopia. Cornucopia, pour la petite anecdote, c'est le nom savant de la corne d'abondance. Cette corne qui ne s'arrête jamais de donner des fruits et de donner des denrées. Et corne légendaire, hein, je vous préviens de suite, parce qu'il y a même une théorie, enfin pas une théorie, mais il y a même on peut même parler de cornucopisme. Je me suis rendu compte en tapant ça sur des moteurs de recherche. Ouais, un courant, exactement. Le cornucopisme, qui est un courant qui, en gros, dit que de toute façon, il y aura toujours du projet, du progrès, de la production de richesses, et que voilà, on est dans l'abondance permanente. C'est un courant qui a peut-être pris un coup dans la gueule là, depuis un an et demi, à mon avis. Mais en tout cas, c'est un courant qui existe. Et ce groupe-là, Cornucopia, en termes d'abondance, ils y vont pas mal. Déjà, l'album démarre par une très très longue piste d'une vingtaine de minutes. On est vraiment dans du kraut et dans du psyché. Pas forcément cérébral, du moins sur ce titre-là, qui est la face A. La face B est un peu plus folle, un peu plus surprenante, et pour le coup, on comprend qu'ils aient parlé d'abondance. La pochette, Nico nous avait dit l'importance des pochettes dans la présence des groupes sur cette liste. La pochette est plutôt belle, hein. On y voit l'avant-scène d'un théâtre avec des rideaux rouges, ça fait une ambiance un peu lynchienne, si je peux me permettre cet anachronisme, puisque la question ne se posait pas vraiment à l'époque. Mais en tout cas, ouais, petite ambiance à la Lynch, avec donc une corne d'abondance en premier plan, dont on voit sortir une main qui tient ce qui semble être deux papillons. Très très jolie pochette, et l'album est carrément bien en fait. C'est bizarre que ce groupe n'ait pas plus marqué l'histoire du krautrock. Ils ont sorti cet album-là chez un très gros label de l'époque, Brain Records, mais il a eu aucun succès. Le groupe, très déçu de cette absence de succès, a disparu après cet unique album, Full Horn, qui est sorti en 73, et que vraiment je recommande, parce que amateur de krautrock, vous y retrouvez vraiment bien sur la face A, et amateur de fantasy un brin zapayenne, là c'est plutôt la face B qui va s'adresser à vous, et c'est sur cette face B que je suis allé chercher le titre qu'on va s'écouter de suite. Le titre, c'est Spot on You Kids. Je sais pas si c'est un hommage à Captain Beefheart, mais je crois qu'il y a Spotlight Kids, un album de Captain Beefheart qui sort un ou deux ans avant, enfin du coup je sais pas si c'est un hommage. En tout cas, on va s'écouter ça de suite dans Cornucopia pour démarrer au pied de la lettre. We'll be right back. auf einer Festplatte an. So wie es der Mann in Deutschland gezeigt. Schließen auch Sie sich an. Das müssen Sie erleben. Ein einzigartiges Ereignis. Für Sie alle eine Sensation. Wollen Sie dabei sein? Dann kommen Sie schnell bitte. Ben disons, toi Manu qui parlait de pochette un peu anachronique en évoquant David Lynch, j'ai presque envie de dire c'est presque de la musique anachronique si on en croit les dates de 1973. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Je sais pas ce qu'il en est pour vous dans votre canapé, dans votre voiture ou dans votre lit. Mais moi, j'ai pas du tout entendu le son de cette époque. J'ai plus ouais, ça me faisait, enfin on en parlait avec Manu, ouais, un son plus des années 90 voire même 2000, et même dans les riffs, tout ça, c'est ouais très très surprenant en connaissant. Et puis ça a pas du tout vieilli, en fait. Ouais, en fait, c'est, on voilà, on penserait pas que ce sont des Hambourgeois de 1973, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un gros côté Jack Dupont à un moment, notamment. Oui. Mais ouais, carrément. C'est ce qui est assez épatant sur cet album-là, et surtout sur cette phase B. C'est que ouais, il y a un son très très moderne. Ouais, tu l'as très bien dit. Je ne veux faire que bafouiller pour dire les mêmes mots que toi. Vous en pensez quoi, les copains? Vous connaissiez Cornucopia? Pas du tout. Bah, ça me laisse ce côté-là un peu penser à Gong. Certaines époques de Gong avec David Allen, je trouve qu'il y a des moments qui me laissaient un peu réfléchir à ce niveau-là. Pas tout le temps, mais il y a des moments que je dis, ah, pas mal. Peut mieux faire. Mais moi, je vais être un peu plus dithyrambique que pas mal, quoi. Je parlerai pas non plus de perles ou de chefs-d'œuvre absolus, mais c'est un album, je pense que vaut mieux l'avoir écouté que pas l'avoir écouté. Sincèrement, il passe tout seul. Ça dure quoi, 35 minutes. Il y a plein de fantaisie, un poil inattendu, surtout que la face A vraiment entraîne dans une espèce de fausse piste où on s'attend vraiment à bah, du psyché, quoi. On est là, bon, on est posé, on va s'allumer un pétard, etc. Mais non, en fait, ça bouge beaucoup. Il y a pas mal de surprises, et quelle n'est pas ma surprise, justement, de lire que cet album a absolument pas marché. Bon, apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, les musiciens n'ont pas du tout voulu se prêter au jeu de la promo, enfin, l'ont fait de mauvaise grâce, et peut-être que ça a joué là-dessus. Et puis on parle de 73 en Allemagne, et des très bons groupes, il y en avait beaucoup, comme on a pu s'en rendre compte dans ces Au pied de la lettre, ou comment on s'en rendra compte un peu plus tard, bah, ne serait-ce que Cannes d'ailleurs, la lettre C. Enfin, tout ça pour dire que bah, voilà, et les gars avaient vraiment des rêves de succès, ce qui fait qu'en fait ça marche pas, bah, c'est ça, on se retire définitivement du milieu de la musique, et voilà. Et du coup, voilà, c'est un peu les Lionel Jospin du krautrock, et ils ont disparu après ce seul album, Full Horn, que je recommande particulièrement. Je t'ai pas demandé ton avis, Tony, d'ailleurs. Bah, je sais pas trop quoi dire. J'ai bien aimé le début, l'introduction, et après, bah, c'était très krautrock, voilà. Bon, bah, comme quoi on est... J'ai bien aimé l'intro. Je me suis demandé à un moment, d'ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe? C'est fini. J'ai trouvé très rigolote. Et après, bah en fait, j'étais en train de noter des insultes en basque. Alors, ça m'a un peu sorti du truc. Voilà. Désolé. Je comprends. J'ai pas été plus attentif que ça. Non, je suis pas un grand fan de krautrock non plus, ou alors vraiment en immersion. Mais voilà, je suis pas. J'aime bien le krautrock, mais ça me. Voilà, moi, ça me chavire pas plus que ça. Donc, j'ai pas vraiment d'avis, on va dire. Les insultes en basque, c'est par rapport au groupe dont tu vas nous parler maintenant? Non, pas du tout, non, c'était un autre truc que j'ai trouvé, je trouvais ça marrant, voilà, j'ai noté, parce que ma femme est basque, bon, on parle pas basque, hein, mais non, ça n'a rien à voir. Très bien. Non, là, on va parler de Compañía Eléctrica d'Arma, qui nous viennent de Barcelone, donc on est un peu loin du Pays Basque, il me semble. Donc, c'est des frères catalans qui habitent dans le quartier de Sants, que je connais pas du tout, moi j'aimerais beaucoup aller à Barcelone. Mon fils aussi, puisque mon fils est très fan de son dieu, s'appelle Lionel Messi, et il est fan de l'équipe de foot de Barcelone. Il paraît que c'est une très belle ville. En plus, il y a une belle cathédrale. Donc ces frangins-là, eux, ils ont commencé dans les années 70. Au départ, ils sont fans des Beatles, mais ils font des versions folk, apparemment, en mode guitare, contrebasse, flûte. Et ils adaptent des standards pop-rock en folk catalan. Mais alors, un jour, apparemment, ils prennent la voiture du papa, une Seat 600, et ils cassent la contrebasse. Alors ils ont dû prendre, ça doit être pas très haut une contrebasse, donc peut-être qu'ils prennent un tunnel mais tout bas, je sais pas comment ils ont fait. Hein. Et alors ils se sont mis au blues et à l'instrumental. Alors j'ai pas trop compris le rapport avec la contrebasse, mais bon, je pense qu'ils se sont mis à la basse électrique. Et après ils rencontrent des gens et ils deviennent hippies. Voilà, donc ils deviennent des hippies, ils vont dans des communautés. Alors il y a toute une histoire par rapport à ça. Ils n'ont pas encore fait d'album. Donc devenant hippie, ils rencontrent un mec, je crois que c'est, comment il s'appelle alors on dit Rordi, hein, puisque les légistes disent R. Moi je ne suis pas très fort en espagnol. Rordi Solé. Et en 75, alors ils se mettent à écouter du jazz. Donc ils écoutent Miles Davis, Weather Report, John McLaughlin et j'en passe. Et ils sortent leur premier album. Ben, je crois que d'ailleurs c'est ce qu'on va écouter. Hein. On va écouter un morceau du premier album. Et après, ben, en fait, ils ont un énorme succès. Ils continuent. Ils sortent plein d'albums jusqu'en 79 et après. Ils existent encore. Ils ont joué. Alors je me suis un peu renseigné. C'est pas évident de se renseigner dans le plus grand festival du monde. Au Brésil, donc j'ai bien compris que c'était le carnaval de Rio, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas de plus grand festival. Et puis en fait, quand on va un peu sur Wikipédia, sur leur site, bon, ils ont joué partout. Ils font des énormes concerts là depuis les années 2000. Donc c'est du maintenant, en fait, ils font du jazz. C'est très propre, c'est super clean. J'ai pas vraiment réussi à trouver un lien, moi, avec Steve Stapleton, avec ses choix. Peut-être que le lien, ça vient des instruments plutôt folk avec cette dextérité de jazz. Je pense, hein, à l'époque, il y a quand même, on n'est pas encore dans la world music. Il y a une belle production, c'est des compos, c'est hyper léché, c'est clean. Donc j'ai choisi un album qui me causait un peu. J'en ai écouté deux, trois. Là, on écoute, je crois qu'il y en a un avant, en 73. Là, j'ai pris un album de 75 qui s'appelle Tramuntana. Et donc, c'est les frères Fortuny, donc STB, Juan et Josep, avec Jordi Solé et Carles Bidal. Et là, on va écouter un morceau qui s'appelle Fox de Saint Juan. Thank you. qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Tony? Rappelle-nous, s'il te plaît. Eh bien, Compagnia Electrica d'Arma, groupe de Barcelone. Quand même, en fait, ça doit être super bien en concert, hein, je pense. Hein. Voilà, 1975, l'album Tramuntana, les frères Fortuny. Qui cartonnent depuis, je crois que ça existe toujours, hein, depuis les années 2000, ils font des concerts de partout en Europe, en Amérique du Nord, du Sud, et ils sont 5 je crois maintenant, donc c'est vraiment du jazz avec des instrus folk, belle production, n'est-ce pas, qu'en dites-vous? Ouais, moi j'ai bien aimé, et puis pour avoir vécu près d'un mois à Fiols, à côté du mont Canigou, donc la Catalogne, la haute Catalogne, comme on dit. J'ai reconnu les instruments folk, un peu nasillard, très aigus. Ils ont ça dans les musiques trad, dans des danses et dans des musiques folkloriques, quoi. Notamment la sardane. J'ai plus le nom en tête de l'instrument, mais je le visualise et du coup, ouais, j'ai ressenti la Catalogne, pas le Scadi, mais la Catalogne en tout cas. Ouais, d'accord. Donc voilà, écoute, après, on n'est pas dans le progressif, on n'est pas dans la musique barrée, on va dire, ou la musique un peu étrange. Hein. Le choix était un peu dur. Bon, j'ai pas écouté beaucoup d'albums, je m'arrête toujours avant 79. Et j'ai écouté 2-3 albums, bon, des trucs très jazz. Là, j'ai bien aimé l'intro, justement aussi l'utilisation de ces instruments trad. Et puis, avec ce son de batterie qui est quand même pas mal, ces petits solos de guitare qui sont pas dégueux non plus. Quel était mon choix. Ouais, donc la Tramontana, donc je pense que ça évoque la Tramontagne, le petit vent. Ah oui, ça ressemble à la montagne, t'as raison. Ouais. La Tramontane. Ouais. Moi, j'y connais rien en latino, hein. Je suis vraiment. c'est catalan, attention, c'est pas latino. C'est catalan, ouais, tu vois, comme quoi j'y connais vraiment rien. Moi, j'étais plus sur les insultes basques, là, mais ça n'a rien à voir. Hein. Bon, donc plein d'albums. Je suis moi-même né en Catalogne française à Perpignan et j'ai un peu grandi, dans, notamment avec cet héritage-là, et je rejoins complètement mon ami Guénaud sur le côté. Oui, on ressent bien le côté trad catalan, quoi. Ok, super. Bon, c'était un bon choix. Et puis, ça préfigure aussi. Alors, non pas. Moi, j'aime pas trop le mot world music, hein, mais justement, ces fusions de musique traditionnelle, et puis après progressive ou jazz, qui peuvent se mêler les unes les autres. Bah ouais, c'est qui est très dans l'air du temps d'ailleurs. En ce moment, là, les musiques traditionnelles, elles sont battues et rebattues à toutes les sauces, avec plus ou moins de réussite, et beaucoup de réussite d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et Guénolé, mon ami, c'est à toi maintenant. Oui, donc sans transition, donc on va faire un petit collage dadaïste, là, une transition dadaïste. Ça tombe bien parce qu'on va parler de Cabaret Voltaire. Alors, Cabaret Voltaire, c'est un groupe britannique de Sheffield qui a sévi dans les années 70, 80, 90. Après, ils se sont séparés, puis ils se sont reformés. Donc, il y a même plusieurs groupes de cette North Sound List qui se reforment dans les années 2000. Donc, il n'y a pas juste les Beatles et les Rolling Stones qui font ça. Il y a aussi des groupes de la North Sound. Et du coup, alors, j'ai fait évocation du courant Dada, parce que Cabaret Voltaire, c'est le nom d'un café zurichois qui est apparu pendant plusieurs mois en 1916 à Zurich, donc là où habitait Lénine. Et c'est un bar, quoi, un café qui est un peu auguré du mouvement Dada. Donc voilà, et ils ont choisi ce nom, ce café a choisi ce nom pour justement mettre un petit collage un peu, pas anachronique, mais un peu dichotomique, entre le cabaret qui fait figure un peu de frivolité, tout ça, et puis là, la doctrine voltairienne, tout ça, des droits de l'homme. Donc voilà, donc c'est un clin d'œil qui est vraiment un énorme clin d'œil. Mais pour le coup, la musique, dans la musique de ce groupe, donc britannique, moi, je n'ai pas trop ressenti d'esprit dadaïste ressortir, puisque c'est un groupe de musique indus, avec ça peut préfigurer aussi un petit peu légèrement un peu de voilà post-punk cold wave, c'est très british, on va l'entendre. Et j'ai lu sur un blog que enfin, une définition de la musique industrielle, c'est une fusion abrasive et agressive de rock et de musique électronique. Donc voilà une définition assez rigoriste, mais je vois bien le truc fusion abrasive, et notamment parce que c'est issu des. Ben Sheffield, enfin, c'est une ville industrielle. Et du coup, en fait, eux, ils étaient tous des fils de cheminots, de gens qui allaient bosser au fourneau. Donc le côté abrasif et fusion va vraiment très bien avec. Agressif, ça, je sais pas, ça peut peut-être c'était agressif pour peut-être pour les Londoniens de la East Uptown. Et du coup, il y a aussi la naissance de la musique électronique qui rajoute un côté un peu mécanique, un peu, allez, disons les mots fordistes à la chose. Donc voilà, la musique industrielle anglaise, voilà, terreau et berceau de la révolution industrielle. Donc ça vient de là. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté assez british qui est vraiment assez intéressant. Moi, personnellement, musicalement, ça me parle pas trop. Ça me parle pas trop, mais voilà, je parle de la musique industrielle en général. Et même ce groupe-ci, j'ai pas eu un gros coup de cœur, mais il y a une démarche que j'ai bien aimée. Donc ils ont fait leurs 2-3 premiers albums entre 79 et 82, on va dire. Il y a le premier qui est The Voice of America, le second qui s'appelle Three Mantra et le dernier qui s'appelle Red Mecca. Donc on a la voix d'Amérique, après on a les trois mantras et ensuite nous avons la Mecque rouge. Donc on peut un peu percevoir une approche politique ou en tout cas ouais, une vision un peu politisée du monde. Et ils l'ont clairement revendiqué en disant que enfin ils sont partis voilà au Moyen-Orient tout ça. Et ils voulaient. Alors ça, c'est ce que j'ai lu, notamment avec Ren Mekka, qui voulait, comment dire, essayer de faire transparaître dans leur musique et dans leur pochette la forte émergence de la Christian Right aux États-Unis, c'est-à-dire le mouvement un peu télévangéliste, et la montée de tout cette euphorie évangéliste et télévisuelle, et qui mettent aussi en parallèle avec la montée de l'islamisme, donc de l'islam politique au Moyen-Orient. Donc ils ont fait cet album Three Mantra, qui est composé de deux morceaux. Il y a Western Mantra et Eastern Mantra, donc celui de l'Occident et celui de l'Orient. Deux morceaux de 20 minutes, qui sont assez différents, mais qui sont assez similaires dans leur répétition, avec des boucles, tout ça. Où la musique électronique n'est pas encore trop trop trop présente. Et donc voilà, cet album, c'est celui que j'ai écouté en premier. Donc ces deux morceaux qui sont voilà, qui sont assez clivants et c'est volontaire de leur part. Mais moi, pour le coup, j'ai choisi un morceau du premier album, The Voice of America, et un morceau de leur troisième album, Ren Mecca, qui s'appelle Spread the Virus. Donc voilà, c'était juste pour faire un clin d'œil. Ils étaient assez précurseurs. Alors je vous avouerai, je n'ai même pas pensé à savoir lequel passait en premier. On va peut-être commencer par la diffusion du virus, vu qu'on est en plein dedans. Et puis on touchera deux, trois mots. Et puis on terminera avec un morceau donc, du premier album, The Voice of America. Donc maintenant, Spread the Virus de Cabaret Voltaire. Thank you. you officers that are stationed in front of the stage behind the barricade. You will go to Mr. Morris Shapiro, the first aid man, and he will furnish you with earplugs so as to keep you from having a headache. If he runs out of earplugs, he has got some cotton. You can use that. We have a detention room set up within the Coliseum. Any person that you arrest for ejection will be brought to room D. Is that understood? You will take the name, the addresses, and the telephone number. We will not allow any dancing, running up and down the aisle. Is that clear with everybody? Thanks. Thank you. dreams of money, dreams of kiss, and swingers come, we'll die like this. Donc voilà, au final, on vous a mis les deux morceaux d'affilée, sans coupure. Donc là, c'était le morceau Damage is Done de l'album The Voice America, of America, pardon, de Cabaret Voltaire. Donc là, une fois de plus, une lecture qui est d'actualité, quoi. Une lecture qui est d'actualité. Damage is Done, The Voice of America, enfin, voilà. Tout est dit. Ouais, jusqu'après qu'on ait répandu le virus, on écoute la voix de l'Amérique pour voir un peu comment on va gérer l'après. Ouais, c'est clair, on dirait que t'as fait exprès, petit coquin. Ouais, j'ai fait exprès, sauf que The Voice of America est apparu avant Redmeca de Spread the Virus. Du coup, j'ai renversé, j'ai mis d'actualité leur discographie de 80, 81 et 82. Merci Guénolé, c'était vraiment super. C'était un peu, pour moi, un peu toute l'Angleterre avec le dub hyper présent. Donc, 80, je crois. J'ai une petite anecdote de la part d'un copain qui est très connaisseur, qui me dit que le meilleur musicien, Chris Watson, qui a quitté le groupe assez vite. Ouais, 83, et qui a bossé, ouais. Ouais, c'est ça. Et il a bossé avec Affleur Trio. Et surtout, en fait, il a collaboré ensuite avec Mika Vaino de Panasonic et pas mal d'autres personnes. Et qui a été certainement le plus explorateur des trois membres fondateurs. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec ce morceau. Et ça me donne envie d'écouter Cabaret Voltaire, qui est très, très, très anglais. Et je pense très, très inscrit dans l'histoire de l'Angleterre, des usines, effectivement, comme tu disais. Et puis de tout ce lien avec la musique jamaïcaine, avec la dub music notamment, mélangée avec la musique industrielle. C'était vraiment magnifique. Merci. Avec plaisir. Très bien. Et du coup, Nico, toi, tu as quelques mots à dire sur la musique industrielle. J'aime bien ce truc-là. Spécialement, le premier morceau de Redmeca, c'est un peu moins mon goût. Oui, mais The Voice of America, mais aussi le tout premier album, Mix Up, avec un morceau... Et là, je dois rater quelque chose, No Escape, qui est très actuel. On ne peut pas rater le virus, mais la musique, là, c'est incroyable. Pour moi, c'est le plus grand morceau de Cabaret Voltaire, No Escape. D'accord. Il faut écouter ça sur des grandes enceintes, à la maison, pas à la maison, peut-être dans un club. Et là, ça se passe super bien. Aussi, comme The Voice of America, si tu passes ça dans une salle à concert, c'est splendide. Sur une enceinte à la maison, c'est bien. Mais sur le morceau-là, le dernier que tu as passé, on entend la basse. Il faut une grosse basse, oui. Voilà. Et si tu joues ça sur un grand enceinte, c'est waouh, c'est majestueux. No Escape. Tu sais quoi, on le passera en toute fin d'émission. Du coup. Donc, voilà. Ça vient de l'album Mix Up, qui était le premier album. Ouais, tout à fait. Et donc, je reste un peu dans la musique industrielle avec mon choix cette fois-ci. Je vais laisser vous découvrir un peu de la musique de Comme. Mais il faut faire attention, ce n'est pas Comme écrit comme C-O-U-M, parce que Comme écrit comme C-O-U-M, ça c'est Comme Transmission, qui était un groupe d'art performance transgressif inspiré de Fluxus et de la scène underground de male art, fondé à la fin des années 69 à Hull, c'est aussi au Royaume-Uni, par Neil Maxon. Et rapidement, il est connu comme Genesis P. Orridge. Oui, Genesis P. Orridge. On va encore parler de lui plus loin dans la lettre T. Et donc, le COM a élargi ses membres de 70 à 73 pour inclure Così Fanno Tutti, Picklewood, Speedy et Ray Harvey. Comme a ensuite donné naissance à Throbbing Gristle. Probablement, vous avez entendu parler de ça. les fondateurs de label Industrial Records, et où vient la musique, le nom de musique and Industrial Music. Mais et lui, il se trouve aussi sur la liste de Nurse Fleetwood. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce com-là, mais on va parler de com qui est écrit comme C-O-M-E. Et donc là, c'est un groupe qui a fondé en 1979 par William Bennett, qui a lui plus tard créé l'infâme groupe The Power Electronics White House après la dissolution de com. Les autres membres de com étaient l'Australien Jim Turrell, qui a juste s'installé à Londres, qui allait quitter le groupe et créer Fetus. Et il y a aussi Daniel Miller, qui était le fondateur de label mythique en Angleterre, Mute Records. Et il y a comme quatre membres, c'était Peter McGee. Je vous recommande d'écouter avec un casque où de vous assurer que vous avez un bel effet stéréo avec vos ancêtres. C'est pour le morceau Sex de Com, qui vient de leur album Ramtum, qui était sorti en 1979. Et voilà, c'était Com avec le morceau Sex qui était sorti sur leur album Rampton en 1979 sur le label Com Organization. J'ai déjà cité le nom de quatre membres de cette formation, mais si on regarde sur le disque même, là il y a sur la guitare William Bennett, mais sur le synthesizer c'est Dr. Death, au vocal et la percussion David Charles et Fuckman. Mais c'est justement des alias pour les trois autres musiciens que j'ai cités avant. Il y a aussi une chose importante de savoir que moi, je n'ai pas entendu ici sur la connexion que j'ai actuellement parce que j'ai entendu le morceau uniquement en mono. Mais si vous avez eu l'occasion de l'écouter en stéréo, là, vous avez vraiment le guitare à un côté, l'électronique à l'autre côté et ça fait une super chouette ambiance. Et donc, il a sorti leur album sur le label indépendant Comb Organization, qui a été créé à la suite du manque d'intérêt des autres labels pour l'enregistrement du groupe. Le groupe ne s'est jamais produit en concert. The Comb Organization était un label de disques fondé à Londres en 1979, initialement comme un véhicule pour le groupe Comb. En 1978, Comb avait enregistré son premier single qui s'appelle Comb Sunday Shave Slits et n'avait pas trouvé de label prêt à le sortir. Influencé par Industrial Records, le label de Tropping Crystal, ou Ralph Records, le label de The Residents, William Bennett a choisi de sortir lui-même le single. Comb a cessé d'exister en 80, même si l'LP I Am Jack est sorti en 81. Le groupe s'entend transformer en White House. Comb Organization sera connu comme un label spécialisé dans la musique électronique extrême, comme en témoignage des sorties de Sutcliffe, Jugend et Leib Standards, SSMB, en plus de White House. Le label a cessé d'exister en 85 après la sortie du classique LP de Great White Death de White House, en raison de plusieurs facteurs. Le principal était la dissolution temporaire de White House et le départ de plusieurs personnes clé de Londres comme lieu de résidence. Bennett reformera plus tard le label sous le nouveau nom de Susan Lowley. Et on va écouter maintenant un morceau qui vient donc de ce premier single qui était sorti en 79. Il s'appelle Rumpton. On vient écouter le morceau qui s'appelle Shave Slits, qui est aussi sur le single, mais qui, la version qu'on va écouter vient de le premier album indiqué Rumpton. Thank you. Radio Radio, il est 22h11, nous sommes le 27 mai 2021. Est-ce que vous avez vraiment besoin que je vous dise ça en fait? Je pense que vous êtes au courant de la date qu'il est. D'ailleurs, peut-être qu'on n'est pas du tout le 27 mai 2021 parce que vous nous écoutez peut-être en rediffusion. Donc on est peut-être un jeudi soir sur Radio Radio. Ou peut-être même que vous nous écoutez sur les podcasts, sur le Mixcloud de Radio Radio, ou sur le blog de Vraiment Autre Chose. Vous avez tapé Vraiment Autre Chose sur un moteur de recherche et vous avez bien fait. Vous avez tapé Mixcloud Radio Radio, vous avez bien fait aussi parce qu'il y a plein de programme très intéressant sur notre antenne. En tout cas, là, actuellement, c'est vraiment autre chose. Numéro 172, au pied de la lettre 9, est tentative d'exploration radiophonique de la Nurse With One List. Et notre ami Nico vient de nous faire découvrir Comme, avec deux extraits de l'album Rampton. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Et aussi, je trouve, parce que Comme est un peu le groupe avant White House. Et si on réécoute maintenant cet album-là, il est quand même assez sucré en comparant avec White House. Parce que White House, c'est vraiment un groupe qu'il faut voir live. C'est l'agressivité, c'est toute l'énergie qui sort. Et ici, on a l'impression qu'on est dans un studio, que les gens font des petits essais, des petits bricolages, toutes des choses comme ça. Et c'est chouette comme album, je trouve. Mais oui, très bien. C'est très, très chouette. On va rester en Angleterre, maintenant je reprends la main. On va rester en Angleterre, dans le nord de Londres, dans le quartier de Street Hammett, avec quel groupe d'ailleurs? Ouais, là, à force, on s'y perd. On est sur la lettre C, mais moi, je suis trop un godin, j'en ai trop marre de suivre ces histoires de lettres, là, de pied de la lettre, etc. Donc, on va partir sur une autre lettre, on va partir sur le N, et le groupe Next Collection. En tout cas, c'est comme ça que ce groupe s'appelle, formé par quatre adolescents, Ken Elliott, Kieran O'Connor, adolescents, et les gars ont 15 et 16 ans. Ken Elliott, Kieran O'Connor, rejoints par leurs copains Bob Gibson et Grant Ramsey, le bassiste. Et donc, ils créent ce groupe-là qui s'appelle The Next Collection. Et ouais, les gars, je suis passé direct à la lettre N, je suis trop un gueudin. Ce groupe, donc, à Street Ham, se crée et participe à une espèce de radio-crochet. C'est assez insolite, dans une patinoire. Voilà, radio-crochet, la bataille des bandes, ça s'appelle, dans une patinoire. Et remporte ce radio-crochet, donc privilège, il gagne le droit de faire un enregistrement, une démo au studio Maximum Sound. Et donc ce groupe, Next Collection, enregistre cette démo. À noter que l'ingé son de Vic Keary, l'ingé son des studios Maximum Sound, parce qu'il va s'enticher de ces musiciens-là. Il y aura vraiment un coup de cœur humain et musical, et il décide de devenir le producteur de ce groupe-là, la Next Collection. Et ça cherche un peu à taper dans un label, et hop, ça tape dans l'oreille de Polydor, du grand label Polydor. Et à ce moment-là, le groupe a changé de nom. Il ne s'appelle plus Next Collection, il s'appelle The Moving Finger, le doigt qui bouge. Là, on est sur la lettre M, on se rapproche. Mais c'est sous ce nom-là qu'ils décident d'enregistrer leur premier album. Donc, et là, c'est le drame, parce que Polydor se rend compte qu'il y a déjà un autre groupe qui s'appelle Moving Finger, qui a sorti un album sur un autre label. Et donc, il n'y a pas moyen de s'appeler comme ça. Les gars, faut encore changer de nom. Bon, ça a déjà deux noms différents. Et du coup, ils décident de s'appeler Second Hand, tout bêtement, parce que tous leurs instruments, c'est un peu de la récup, c'est des instruments de seconde main. Donc, le groupe s'appelle Second Hand et apparaît d'ailleurs sur la Nurse With Own List. À la lettre S. Et ouais, je suis carrément passé à la lettre S. Et pourquoi je raconte toute cette histoire ? Bah parce que voilà, ces musiciens sortent leur premier album, Reality, sous ce nom, donc Second Hand. Album qui fait un flop complet. Les musiciens accusent le label de ne pas avoir du tout voulu jouer le jeu de la promo. Le label dit ouais, mais bon, vous avez promis de sortir un petit single catchy qu'on puisse sortir sur les ondes et vous ne l'avez pas fait. Bon, bref, ça se renvoie à la patate, et c'est la rupture entre Polydor et Second Hand. Et à ce moment-là, Vic Keary, donc leur producteur et propriétaire de studio, comme je l'avais raconté tout à l'heure, dit non mais pas de problème les gars, vous savez quoi, c'est moi qui vais sortir vos albums maintenant, je crée mon label Mushroom Records, et c'est sous ce label-là que Second Hand sort son deuxième album, Death May Be Your Santa Claus, album qui remporte paradoxalement, parce qu'on est sur un petit label, mais qui remporte un très grand succès, tourné en Europe avec succès, et à vrai dire, succès complètement mérité. J'ai écouté cet album, franchement, c'est de la bonne came, quoi. On sent vraiment le côté un peu pop jazz inhérent à l'école de Canterbury, avec aussi un truc qui est pas sans me rappeler Gentle Giant, là, ce mélange de power rock très incisif, avec des petites incartades bizarres vers le baroque ou vers le médiéval. Vraiment, je recommande vraiment cet album, Death May Be Your Santa Claus, la mort pourrait être ton Père Noël, très réussi, donc du groupe Second Hand, et on va s'en écouter un morceau de suite, et après je vous expliquerai qu'est-ce qu'ils foutent dans cette émission consacrée à la lettre C. Voilà, donc on va s'écouter le titre Death May Be Your Santa Claus, le titre donc éponyme. Est-ce que ça se voit que je rame pour le caler ? Non, pas du tout. On va s'écouter donc le titre éponyme Death May Be Your Santa Claus du groupe Second Hand, et puis je vous raconterai la suite de l'histoire passionnante de ce groupe déroutant. We've been lost with an eagle brain, lust for a woman who drives me insane. Time and time again, me ask me this question: could this be love without suggestion? Understand, love if you can. vient donc d'écouter à l'instant Death May Be Your Santa Claus, le titre qui ouvre l'album éponyme Death May Be Your Santa Claus de ces fameux Second Hand, anciennement Next Collection, anciennement Movie Finger. Donc comme je l'ai dit, cet album rencontre un certain succès malgré le fait qu'il soit sorti sur un label indépendant qui avait moins de moyens de promotion, certains succès, une belle petite tournée européenne, mais le guitariste quitte le groupe, ce qui démoralise un peu tout le monde, et il y a un petit temps de 7-8 mois où il se passe plus grand chose dans la vie de Second Hand, jusqu'à ce qu'ils se disent non mais allez, ça y est, il faut qu'on se bouge, on a qu'à, ok d'accord, notre guitariste, en plus c'était notre pote d'adolescence, mais bon, on a qu'à, on va faire des castings et on va se trouver un nouveau guitariste. Et donc c'est parti pour faire un casting, et c'est là que c'est assez marrant, c'est Tony McGill, un guitariste, qui est invité pour faire un casting dans les fameux studios du label Mushroom, de l'ami Vic McCary. Et donc casting, me demandez pas pourquoi, mais il décide de faire ce casting à partir de 18h jusqu'à 7h du matin, et donc c'est parti, on jam tous ensemble et on voit un peu ce qui se passe. Et le facétieux Vic McCary, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur record et il enregistre tout ça, et il décide de le sortir sur son label Mushroom. Et bon, par contre, les musiciens sont là, mais c'est plus du tout la même musique. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est une espèce de grosse jam psychédélique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Donc, on ne va pas s'appeler Second Hand pour ce projet-là. On va s'appeler Shillom. Enfin, on y arrive. Shillom, ça commence par un C. Voilà, mais je voulais vraiment vous raconter l'histoire avant qu'on écoute cette musique-là. Shillom, en référence à la petite pipe qui permet de fumer du cannabis, ou peut-être même du crack, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, qui permet de se mettre dans des états seconds. Et à l'écoute de cet album, on se rend compte que ouais, cette jam, bon, c'était pas une jam traditionnelle, genre tu joues et tu repars, quoi. Apparemment, ils se sont bien entendus. Ça a bien fumé, ça a bien teasé, et ça s'entend carrément dans cet album qui est assez surprenant. On contient quelques petits morceaux surprises dont je vous parlerai tout à l'heure, mais là on va s'écouter une partie de la très grosse jam nocturne. Il y a un morceau qui dure une vingtaine de minutes, c'est pas celui-là que j'ai choisi un morceau un brin plus court, donc, qui fait quand même sa petite dizaine de minutes, et qui s'appelle Yes We Have No Pajamas, un espèce d'hommage à Yes We Have No Bananas, qui était un titre de Luis Prima, si je dis pas de bêtises, qui a eu un grand succès, qui a été repris et pastiché notamment par j'allais oublier son nom, le chanteur de gong. Mince, Nico, tu peux mettre David Allen. Bien sûr, David Allen. Voilà. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec du David Allen, et ça n'a surtout rien à voir avec du Second Hand. C'est aussi pour ça que j'avais envie de vous faire écouter un peu le vrai son de ce groupe avant qu'on passe au son de cette jam, où là on est plus sur écoutez, c'était une audition pour un guitariste, donc on va voir si ça valait le coup de garder ce guitariste. En tout cas, on va s'écouter donc Yes We Have No Pajamas du projet Shillom, le quatrième nom de ce groupe qui change de nom sans arrêt. Un autre truc que je vous ai pas dit aussi, parce qu'à force déjà je vous balance beaucoup de noms de groupes différents, c'est qu'au niveau des musiciens, je vous ai pas donné les noms parce que ça change sans arrêt. Pareil, le guitariste a quitté le groupe, comme je vous l'ai dit, mais le bassiste était parti sur le deuxième album mais revient, on sait pas trop pourquoi, sur cette jam session. Enfin, ça bouge sans arrêt dans cette seconde main, dans ce Shillom posé dans une seconde main dont on va apprécier les notes dès à présent, donc avec Yes We Have No Pajamas. We'll be right back. Thank God! It's a rock in your wheelchair! Oh, it's a rock! Oh, they arrived at last! Oh, I'm so excited! Oh, yeah. On est en train de découvrir l'album Shillom, donc tiré de, enfin, non, pardon, le groupe Shillom et son album éponyme, donc de ce fameux projet qui a changé quatre fois de nom. On a écouté la grosse jam audition, si j'ose dire, donc faite quasiment pendant la nuit. Ouais, là, je pense qu'on doit être à 2-3 heures du matin. Est-ce que vous avez entendu juste après là les petits cris hystériques? C'est assez marrant. C'est deux chirurgiens, parce qu'il y a un hôpital juste à côté. Il y a deux chirurgiens qui étaient en train de fumer leur club dehors, ils font mais c'est quoi ce bordel là, quand on entend un peu les bruits qui sortent des studios, qui viennent voir, et du coup Vic McKeary, qui est quand même toujours très facétieux, leur file des micros, dit hey, faites les cons, et puis voilà, ils font voilà, et c'est bah, l'image de cet album en fait, les grosses jam sessions là, on a écouté une jam session de 10 minutes dont on peut quand même dire qu'elle manque méchamment d'intérêt. Enfin, je pense que ça devait être agréable à jouer et à vivre comme moment, mais à écouter, c'est pas non plus super. Et il y a un morceau de 20 minutes, pareil, là, je vous l'épargne, mais voilà, c'est bon, bah, c'est oui, c'est du psyché, ou c'est du jazz, ou du rock blues, en tout cas, c'est de la musique qu'on a déjà entendue, rien de très original, surtout par rapport à ce à quoi nous avait habitué le groupe Second Hand, comme on a pu s'en rendre compte tout à l'heure. Et c'est un peu le défaut de cet album, il est pas très intéressant. C'est les petits morceaux justement qui ont de l'intérêt, parce que ça, qui raconte un petit peu les histoires autour de l'enregistrement de cet album. Et j'en veux pour preuve le titre Land of Thousand Dreams. Alors ça, c'est vraiment génial. Il est à peu près 6 heures du mat quand s'arrête cette session, et la légende raconte, enfin la légende, en tout cas ce que j'ai pu lire sur internet, raconte que le batteur s'est littéralement endormi sur ses fûts à la fin de la jam, tellement il en pouvait plus. D'ailleurs, il y a un morceau de 5 minutes, c'est carrément juste un solo de batterie. Et c'est peut-être après avoir enregistré ça. En tout cas, le gars s'endort littéralement sur ses fûts, mais Vic McKeary, il est encore là, il est toujours aussi facétieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre. Il enregistre quoi? Donc les ronflements du batteur. Et ensuite, comme le batteur s'est endormi, mais direct, en gardant carrément le casque de monitoring sur les oreilles, et bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui diffusent ses ronflements pendant qu'il dorme. Ce qui fait que le gars ronfle sur ses propres ronflements. Ce qui fait que le mec, en fait, se double au ronflement, et ils enregistrent par-dessus de la musique dont les ronflements sont la partie rythmique. C'est ce titre-là. Land of Thousand Dreams. Bon, on va se l'écouter de suite. Batteur de Shillom, voilà, c'était Land of Thousand Dreams, un des titres qu'on retrouve donc dans cet album Shillom. Donc bon, vous l'aurez compris, c'est pas forcément un album indispensable. Il est beaucoup plus agréable de lire l'histoire autour de cet album que d'écouter cet album. J'espère que ça a été agréable en tout cas pour à enregistrer. En tout cas, quel que soit le talent de ce guitariste, ce projet Shillom n'ira pas plus loin que cet album-là, qui qui signera la fin de ce groupe et qui signera d'ailleurs au passage là aussi la fin du label Mushroom Records. Une belle aventure de copains qui se termine, c'est un peu triste, mais en tout cas je vous recommande particulièrement les albums de Second Hand, et fort heureusement ils ont tapé aussi dans l'oreille de Stephen Stapleton, donc on en parlera probablement en octobre, en tout cas quand on en sera à la lettre S. Et voilà, c'était les aventures donc d'un ingénieur du son facétieux et d'un studio où l'on enregistre les ronflements des musiciens. C'est étrange comme coutume, et j'ai même envie de dire c'est étrange comme us. Et je te laisse la parole sur cette magnifique transition homonymique. Oui, puisqu'on va parler de Comus. Comus, donc un groupe anglais, donc on est pas mal porté sur l'outre-Manche. Et voilà, ça tombe bien, c'est un peu le fief des initiateurs de cette émission, en fait, de Nurse With Wound. Steve Stapleton et son comparse, donc je n'ai plus le nom en tête, sont originaires d'Angleterre. Et donc là, c'est un groupe Comus qui... Alors ça m'a fait penser par rapport au premier groupe dont tu parlais, Manu, donc je n'ai plus le nom en tête, des Hambourgeois. Qui sont séparés par une espèce de déception suite à un échec commercial. Cornucopia. Voilà, Cornucopia, je te remercie. Et là, c'est un peu pareil pour ce groupe qui a fait un premier album. Donc en 71, ils sont formés en 68 à Londres. Et voilà, ils se sont séparés après le premier album parce que voilà, ça n'a pas eu le succès escompté selon eux. Mais forcément, comme souvent ce genre d'album qui n'a pas le succès escompté, tout ça, ça devient culte. Donc c'est là un peu le pif quand même de la Nurse With Wound List, c'est qu'il y a des albums méconnus et qui sont devenus cultes, pas juste parce qu'ils sont sur cette liste, juste parce que voilà, ils sont passés à la trappe un peu, à la trappe de l'histoire et du moment, ça arrive souvent. Et c'est notamment... C'est notamment le cas de Comus. Voilà, je cherchais le mot K. Ouais, mais c'est le cas de Cornucopia. Oui, mais vu qu'on a la lettre C et que la lettre K, enfin, tu vois, ça faisait un peu un imbroglio dans ma tête. Et c'est notamment le cas de ce premier album de Comus, donc qui s'appelle First Utterance, qui est paru en 71. Alors, Comus, d'où vient ce nom? Je l'ai appris. Peut-être, je pense, vous allez l'apprendre aussi. En tout cas, c'est une forme de spectacle qui est apparu sous la reine Elisabeth II, enfin 16e, qui mêle donc musique et chant. Jusque-là, ça reste assez cohérent, mais aussi danse, aussi poésie, aussi mime. Enfin voilà, une espèce de micmac de pluriartistique. Voilà, on est clairement dans l'interdisciplinaire. Oh, waouh! Wow. Ah, c'est encore mieux. Clairement. Je pense que la DRAC aurait vraiment financé ça allègrement. Et voilà. Et puis le ministère de la Culture supporterait ça vraiment avec grande joie. Et donc voilà. Et à la base, ça vient d'une pièce de John Milton, qui est un théoricien un peu libéral extrême, John Milton. Et voilà, donc là, on a affaire à Comus, donc qui est un peu une sorte de folk psychédélique. On en parlait au tout début, toi, Manu, quand tu réduisais la Nurse With Wound à trois courants, voilà, de manière assez invective, tout ça. Mais c'est très beau, et du coup, moi, je voulais faire un peu le contre-coup à ton invective. Et du coup, voilà, c'est un peu de folk psyché, comme on a pu entendre. Comme avec le groupe de Barcelone dont parlait Tony tout à l'heure, sauf que là c'est vraiment de la folk. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de pédales, quoi. Il n'y a pas trop d'effets électriques. C'est vraiment ça, c'est très folk. Mais il y a quand même une forme progressive dans la structure, dans les changements. Enfin, ça change de pas. Ça, voilà, on passe du temps, non, on passe, voilà, il y a plusieurs danses, je sais pas comment on dit quand il y a plusieurs danses en même temps, un espèce de medley, tout ça. Bref, je me perds totalement dans mes pinceaux, et en parlant de pinceaux, je vous propose d'écouter la chanson Sancto Comus, voilà, qui va vous donner un aperçu, une espèce d'esquisse picturale de ce groupe britannique qui n'a fait qu'un album. Mais non, en fait, ils ont fait un second. Mais après, ils sont encore arrêtés parce qu'ils ont encore décidé de leurs échecs commerciaux. Ça devient beaucoup. Mais on va écouter cette première chanson, Sancto Comus. Sunlight, summer day, Comus wakes, he starts to play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play. Virgin fair, smile so sweet, Comus heart begins to beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat. Rise up, Comus, sing your song, bewitch the maiden, the day is long, cast your spell, sweet music, cry a virtuous shell. Enchanted damsel, curious ear, Comus music, dispel all fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, 80 feet, this gets so light, Comus laughs, soon comes the night, night, night, night, night, night, night, night, night, night. Through the forest, dark and deep, she follows Comus, dancing feet, he moves away, the mossy stone, reveals a cave, Comus home. Comus glare, glare, glare, glare, glare, glare, glare, glare, glare. Comus bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear. Comus great, Comus great, sweet and virgin, what you make it? Summer day, Comus wakes, he starts to play, play, play, play, play, play. He starts to play, play, play, play, play, play, play. He starts to play, play, play, play, play, play, play. Cast your jingles, we're all on the board, it's not too excited, starts to play, play, play, play, play. He starts to play, play, play, play, play, play, play, play, play. He starts to play, play, play, play, play, play. Et donc, c'était la chanson « Song to Comus » du groupe Comus, groupe britannique paru en la fin des années, enfin, au début pardon, des années 70. Et voilà, donc on a pu clairement entendre du folklore british. On est so british ce soir. It's really another thing. Ah, merci pour les anglophones, parce que Manu n'a pas compris. Il cherchait sur Google Trad. And now for something completely different. Ah. From Columbia Pictures. Rated... So British ce soir, c'est vrai, tu as raison. Et que veux-tu nous dire de plus sur ce Comus? Ben, ce que je vais dire de plus, c'est que on va écouter un prochain morceau qui s'appelle Drip Drip. Et mais je ne sais pas si on a pu le percevoir dans ce morceau, mais en tout cas, on le percevra dans le suivant. C'est la présence d'un instrument qui est un peu le Saint Graal de Manu, le hautbois, le hobo, qu'on appelle le hobo en anglais. Et du coup, donc, sur cette première formation, là, suite à leur premier échec, il y avait un premier hoboïste. Et pour le second album... qui fut un second échec commercial, qui a amené à une seconde rupture. C'est un peu les feux de l'amour chez Comus. Il y a Lindsay Cooper. Alors Lindsay Cooper, moi je sais que j'ai connu de nom. Enfin, ce nom m'est apparu quand Manu m'est apparu. Donc on va te laisser la parole, Manu. Déjà préciser que mon instrument de prédilection, c'est plutôt le basson, que maîtrise Lindsay Cooper aussi à merveille, parce qu'elle fait du basson et du hautbois. Et bah, Lindsay Cooper, on la connaît notamment comme faisant partie d'Henry Cow à partir du troisième album, si je dis pas de bêtises. Elle compose carrément toute une phase du tout dernier album d'Henry Cow, Western Culture, et ensuite elle vogue dans divers projets, notamment des albums solo qui sont magnifiques. Bah, vraiment, là, Lindsay Cooper, elle fait pas partie de la liste. Oui, donc, je vais prendre le temps d'en parler un peu plus. Je pense à ça. Ouais. Parce que vraiment, bah, recommander à tous nos auditeurs de se jeter sur les albums de Lindsay Cooper, notamment ses albums solo qui sont en général des musiques qu'elle a préparées pour des ballets ou pour des pièces de théâtre. Je pense à l'album Rags notamment qui est vraiment magnifique, et Music for Other Occasions qui est une merveille. Enfin ouais, Lindsay Cooper, tout ce qu'a pu toucher Lindsay Cooper est magique, et je pense que ça va être le cas de ce morceau de Comus. Nico, je t'entends derrière là, t'as peut-être aussi quelque chose à ça rajouter. Glousse. Ouais, comme tu disais, Lindsay Cooper, je ne comprends pas qu'elle joue dans cette formation-là, parce que j'ai l'impression qu'elle ne va pas avoir s'exprimer comme elle fait avec Henry Cow, avec ses propres projets. C'est, ouais, parce qu'elle est géniale. c'est comme tu disais, l'album comme Rex ou Music for Other Occasions, c'est fantastique. Ou aussi Music for the Golden Diggers, c'est aussi assez intéressant. Donc, ouais. Ouais, ou Moscow aussi, ouais. Enfin, on pourrait citer toute sa discographie. Schrödinger's Cat, c'est tout ça. C'est clair. Peut-être que là, elle était là juste plus vraiment pour accompagner le projet et chercher. Une bassoniste, une oboïste. Et voilà, en tout cas, moi, j'ai lu ça, qu'elle a fait partie de la formation à partir de septembre 4. Quoi. Et ben on va voir si on distingue un petit peu son jeu dans ce drip drip. Tout à fait. Allez, c'est parti. Thank you. between you. Hanging, spinning, off the mouth. This white flesh turns past me, slaked with blood. Your evil eyes more damning than a demon's curse. Your lovely body soon caked with mud as I carry you to your grave, my arms, your hearse. You stand before me, defenseless. You stand. shall I cut you down? Yes, 'twould be a last physical communion. Comme vous avez pu le constater, point de basson, ni de bois, juste de la guitare acoustique, folk, du violon, de la voix et des petites percussions par-ci par-là. Oui, parce que l'heure est au mea culpa, parce que c'est pas M, c'est le C de culpa, donc on est dans la 3C, donc c'est un culpa mea, donc oui, je m'avoue coupable. Coupable, je suis, donc c'est lettre C. Donc j'ai raconté que des sornettes. Et je pense que tout le monde le sait. Je voudrais surtout pas te couper maintenant que tu es coupable. Ah ben oui, écoute. coup de courtoisie. Non, effectivement, après vérification, Lindsay Cooper. On n'y coupe pas. Lindsay Cooper a effectivement rejoint le groupe Comus, mais dans l'intervalle entre les deux albums, en fait. Sur le deuxième album, elle est plus là à nouveau, elle a vogué avec Henry Cow. Et du coup, les enregistrements de Comus avec Lindsay Cooper ne paraîtront qu'en 2011, quand Comus sortira un espèce d'album célébration, Out of Coma. Je cite, avec pas mal de morceaux cachés justement de cet album First Utterance ou de cette période entre les deux albums. Alors après, je sais pas, mais il se murmure que cet album Out of Coma a été un échec commercial et que le groupe a décidé de se reséparer une dernière fois. Ça, je ne saurais pas dire. L'avenir nous le dira, je pense. En tout cas, voilà, si on veut du Comus avec Lindsay Cooper, il faut se jeter sur Out of Coma pour savoir si elle a pu apporter sa personnalité ou elle est juste là en tant que musicienne-interprète. Voilà. Et je me permets de ce petit blanc pour glisser le fait que je vous dis au revoir, parce que je m'en vais aller dormir, parce que je vais vraiment travailler demain. Parce que là, j'ai mal travaillé, du coup... Il faut que je travaille mieux là. Je sens tous les comments qu'il va avoir sur le blog de vraiment autre chose, haut et fort, sur le Mixcloud. Espérant que tu puisses rester out of comments. Mais Guino, merci. Merci à vous. On se retrouve jeudi prochain. Mais avec grand plaisir. Et bisous à Nico, bisous à Tony. Bisous au revoir, à tout le monde. Ouais, salut, au revoir. Salut. Bon courage pour demain. Ouais, je te remercie. À bientôt. Bye. Et Tony, tu peux peut-être profiter de ce bisou pour faire tourner l'émission à ta sauce, à savoir à la sauce Colombo. Eh oui, parce que bisous, c'est avec un B. Nous allons contempler Roberto Colombo Très peu d'infos sur ce monsieur, mais né en 1951, on va quitter l'Angleterre pour arriver en Italie. Ce monsieur est claviériste, il a fait que 3 albums solo, mais c'est un grand arrangeur et producteur de disques, il a son propre label. Il a travaillé avec Fabrizio, avec le grand chanteur Fabrizio De André. On va entendre une très très très très grosse influence de Frank Zappa avec une production très très propre. On va en 1976 écouter l'album Sfogatevi Bestie. Ce disque est très recherché par les collectionneurs, j'insiste sur le collectionneur parce que c'est avec un C. Et on va écouter le morceau qui s'appelle Entreneuse. We'll be right back. C'était Roberto Colombo à l'instant sur Radio Radio. C'est Tony de Cherbourg qui nous présente cet artiste qui vient tout droit de la Nurse with One List. Eh oui, ça faisait penser un peu à vraiment à Zappa en 72 avec, je trouve, avec Grand Oiseau, Waka Jawaka. Voilà, je trouve qu'on a un peu jazz fusion. On a un aspect très jazz fusion zappaïen. Voilà. L'Italie pour un peu changer de l'Angleterre de Guénolet qui était aussi très très bien cette touche anglaise, ce qui est rigolo aussi avec tous ces genres de musique qu'on peut écouter. Enfin, pour ma part, j'ai passé un groupe catalan, c'est que chacun dans ses aventures musicales a sa petite touche culturelle. Voilà, c'est assez intéressant quand même, hein. Ben ouais, à fond. On voyage, hein, pour ainsi dire. On a commencé par un groupe allemand et qui avait des grosses sonorités krautrock. Et effectivement, là, depuis le début de cette émission, oui, c'est vrai que chaque groupe porte vraiment l'identité musicale du pays dont il provient. Alors après, on peut se dire que ça manque. On n'en est qu'à la lettre C, hein, mais on verra un peu d'artistes du Brésil à la lettre F. Après, y a pas beaucoup de groupes que je connais, hein, puis j'explore complètement cette liste. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de groupes africains, mais peut-être, je ne sais pas du tout. Je crois qu'il n'y en a pas. Ouais. J'ai passé un groupe japonais, Brass Burn, et il va y avoir Magical Power Mako un peu plus tard. Ouais. Donc les Japonais sont bien là, mais déjà c'est quand même assez épatant, hein, on va pas faire les difficiles, hein, parce qu'on a quand même cette liste, c'est pas genre des gars qui ont tapé sur internet pour voir tout ce qu'il y avait de bizarre, on est dans les années 70, ça c'est à explorer tous les disquaires, et déjà moi je suis très surpris, on a beaucoup été aussi dans les pays nordiques, ouais. On a été au Chili aussi d'ailleurs. Ah, j'ai pas suivi. Toute première émission, ouais. On a été au Chili avec Alvaro. Non. Ouais. Ok. Donc, okay. On voyage quand même pas mal. Et puis, c'est vrai qu'encore une fois, on trouvait dans les années 70 dans les disquaires des groupes non européens, déjà non anglais et en plus non européens. Ouais, c'est pas mal. Et en plus, en trouver des bons. D'autant plus. Et Nico, c'est à toi la parole. Ouais, donc je pense qu'il faut quand même retourner vers l'Angleterre parce qu'on a quand même raté des petits trucs. Et donc on va retourner à la fin des années 70, 70, avec l'anarcho, le punk, les Anglais. C'est quand même un mouvement assez fascinant et d'un côté et aussi politiquement. Et justement, à la fin de ce mouvement, il y a quand même déjà des mouvements contre ce mouvement. Et donc, c'est par exemple le groupe qu'on va en parler maintenant, c'est Cress, qui est un groupe anarcho-punk anglais qui s'est formé en 77 près de Epping, dans l'Essex, c'est en Angleterre, par Steve Ignorant, avec leur nom emprunté à une phrase « The kids were just Cress » de Ziggy Stardust, type historique de David Bowie. Les anarcho-punks de Cress ne se contentaient pas d'hurler qu'ils étaient « do-it-yourself », DIY. Ils vivaient aussi selon cette philosophie. Ainsi, ils avaient leur propre communauté qui s'appelle « Dial House », gérait de leur propre label « Cress Records » et concevaient leur propre pochet, désormais emblématique. Avec leur titre « Punk is Dead », ils dénonçaient le star de Sex Pistols et de Clash, qu'ils étaient empressés de vendre leur âme aux majeurs du disque. Ils ont popularisé le mouvement anarcho-punk et ont défendu des causes telles que l'action directe, les droits des animaux, l'antifascisme, le féminisme, l'environnementalisme. Dès le départ, de la fin de leur carrière, était prévu pour 1984. Ils ont respecté cette intention, se séparant après un concert de charité pour les mineurs au Pays de Galles en juillet de cette année-là. La première pièce que nous allons écouter vient de leur 45 tours qui était sorti en 79. C'est la phase B de cette 45 tours qui s'appelle Reality Asylum Shaved Woman. Et on va écouter le morceau Shaved Woman. Shaved Woman Collaborator! Yeah. Ouais, effectivement, entre le sujet des femmes collabos rasées à la Libération et ces petits bruits de train qu'on entend derrière, donc forcément dans la thématique, on est un peu obligé de penser au train de la mort. On est un petit peu loin des préoccupations mignones des Sex Pistols ou des Clash. Ouais, je comprends effectivement qu'ils se situent pas dans la même mouvance. Nico, es-tu là? Oui, maintenant je suis là. Ah. Voilà. Tu m'entends? Voilà. J'ai oublié d'allumer mon micro. Et donc, voilà. Et donc, c'était Shave Treatment par Cresc de leur 45 tours qui était sorti en 79 sur Cresc Records. Et comme nous l'avons entendu à plusieurs reprises dans cette série de À pied de la lettre, un groupe artiste qui lance son propre label. Ce n'était pas différent d'ici avec Crass et Crass Records. Au début, j'ai déjà mentionné, c'était une fatalité pour eux de s'arrêter en 1944, l'année de 84. L'année de George Orwell. Et les numéros de catalogue des albums de Crest Records étaient destinés à représenter un compte de rebours jusqu'à l'année 1984. Par exemple, 52-1984 signifie 5 ans jusqu'à 1984. Lorsqu'ils ont séparé par une barre oblique, cela signifie qu'il s'agit de la énième sortie de cette année. Par exemple, 32-1984/2, ça veut dire deuxième sortie en 1981. Et en 1985, les numéros de catalogue sont passés à un système standardisé, catégorie numéro X, parce que Cress était à ce moment n'existe plus, mais le label a continué d'exister. Et on va maintenant écouter un autre morceau de Cress qui vient d'un autre single de eux, un autre 45 tours qui s'appelle Nagasaki Nightmare Big A Little A. Et on va écouter le morceau qui s'appelle Big A Little A. The system I touch your body won't get me. What's a free fall? Start a control, are you gonna let it get you? Gonna be a prisoner of bad state session. So you wanna be a summer, gonna be no nature. The rest of get you. I know, this is the Lord God, can you help? Hellfire and damnation, what I've done for you down there. On earth I am ambassadors, archbishop, vicar, pope. We'll find you with morality, you best abandon any hope. You were born in sin. Right from the start we'll build a mind. Grab beer for your bollocks, you bear them behind. Ran every other corner, stand and see when I let fall. God of the future, in the middle of the law. It takes to remind that it doesn't matter what you're doing. If balance is the void, then we free you off on you. It comes to us from falling, it always turns school. It comes to life and number, it's just a bit real. It comes to the methods, to undermine our spells. It's time to try to battle, the future must be ours. Super, je connaissais pas du tout ce groupe, Crass, j'adore, vraiment. Fait longtemps que j'écoute plus du punk, mais j'ai eu ma grosse période là-dessus. Et on a même appelé notre asso un archer dans le Yucca en hommage justement à la culture punk. Et waouh, super, vraiment, ouais. je reste sans voix. Toute l'œuvre de Crass est de ce niveau-là, Nico ? Oui. Vraiment, les albums, c'est souvent plutôt des morceaux plus courts aussi. Hein. Donc ici, les singles, c'est 4-5 minutes, qui n'est pas vraiment punk, parce qu'en général, c'est 1 minute et demi, 2 minutes. Mais quand même, les textes, ça reste toujours assez intéressant, musicalement aussi. Donc oui, je le conseille. Et ils sont réunis déjà, donc depuis 2019, je pense. Et je sais qu'en octobre, cette année-ci, je pense autour de 20 octobre, ils jouent à Bruxelles et avec comme deuxième groupe qui sont avec eux, The Kravitz. Et ça, c'est aussi quelque chose à conseiller parce que c'est aussi dans la même période. Et je trouve ça vraiment dommage que ce groupe-là ne se trouve pas dans la liste de North Sweetwood. Et c'est aussi avec un C, The Kravitz. Ah ben, ils pouvaient pas tous y être. Hein. On sait qu'il y a eu des gros débats entre les musiciens pour savoir qui pouvait faire partie de cette liste et qui n'en serait pas. En tout cas, Crass, belle découverte. Merci beaucoup. Ouais. Et donc, peut-être encore, donc le morceau qu'on vient d'entendre s'appelait Big A Little A et la référence était 42-19-84/5. Et donc, vous êtes maintenant capable de me dire quelle est l'année que c'est sorti avec la formule magique que je vous avais donnée. Ah ouais, carrément. C'est sorti donc en 80. Oui, tout à fait. C'est ça, ouais, d'accord. Ouais. Oh, ok, j'ai compris, j'ai compris la petite formule. Le label, il existe encore aussi? Non. Peut-être qu'ils sont recommencés, mais je pense qu'ils sont arrêtés dans les années 90, 92. Je pense qu'ils sont commencés. Et peut-être que maintenant, au moment qu'ils sont réunis, peut-être qu'ils ont recommencé aussi avec le label. Ça, je ne sais pas te dire. Ok, bah on essaiera de creuser ça. En tout cas, merci pour la découverte. Je pense que je vais essayer de creuser un petit peu plus là, ce crasse. Ça donne vraiment envie. Tony, tu voulais nous amener en Italie? Oui, tout à fait. Et ben, vas-y donc. Un dernier groupe, n'est-ce pas? Le Capsicum Red, qui est un genre de plante issue de la famille des Solanacées. Non, c'est pas ça, c'est des piments. alors en fait, c'est une espèce de mascarade. C'est un groupe italien qui a été connu en Italie donc en 72. Ils n'ont fait qu'un seul album parce qu'on les croyait anglais. Et parce qu'en fait, leur leader a été connu pour sa carrière pop après par la suite. Il a joué dans un groupe qui s'appelait Pou. Ils ont fait deux singles. Alors, un premier single qui s'appelait Ocean, donc en anglais, qui a été le générique d'une émission de télé. Et un second qui s'appelait Tarzan, mais qui n'a pas marché du tout en anglais aussi. Donc, la stratégie de leur label, ça a été de susciter l'intérêt autour du groupe et de raconter qu'ils avaient commencé en Angleterre, que leur leader était vivait en Angleterre, fils d'un Italien, et qu'il jouait avec des Anglais, ce qui n'était pas vrai du tout. Donc cet album est référencé sur les sites de musique progressive. Ils n'ont fait qu'un album, hein, ils n'en ont pas fait d'autres. Ils viennent de Trévise en Italie. La phase B est vraiment pas super. Il y a un premier morceau qui est pas mal, qu'on va pas écouter ce soir, qui dure plus de 10 minutes. Moi, j'ai choisi le premier morceau de la phase B, qui s'appelle « Corale ». Tiré de l'album Appunti per un idea fissa en 1972. Voici donc Capsicum Red. Thank you. cristallo, la mia voce sottovoce sta parlando con me stesso. Ombre bianche senza tempo danno vita alle pareti come gocce di memoria che poi scivola lontano. La memoria è ora un fiume d'acqua verde trasparente, trasparente come un sogno dove annega il mio sorriso. La mia immagine felice si scompone in mille luci, sento emergere promesse, ho paura di arrivare. Questo viaggio senza fine è invenzione del mio io che mi lascia abbandonato tra promesse ed illusioni. Sono un'isola perduta, sono spazio, sono amore, sono acqua, sono il mare, ho paura di arrivare. Vedo il sole fuoco chiaro, lentamente si avvicina, si fa luce nella mente e svaniscono le ombre. Dolcemente, senza angoscia, corro incontro al mio passato. Sono solo contro il tempo, contro il tempo, con amore. C'était Caspicum Red pour terminer cette 9e édition d'Au pied de la lettre. Générique. Wouh! 2h45 d'émission, je crois qu'on a battu notre record. Et ben, merci à tous ceux qui nous ont continué à nous écouter tout au long de cette tentative d'exploration radiophonique de la lettre C de la Nurse with Wound List. Et maintenant est venu le temps. Non pas des cathédrales, non pas des rires et des chants, mais du fastidieux et interminable récapitulatif de fin d'émission. Ce soir, on s'est attaqué donc à la lettre C de la Nurse With Wound List. On a été majoritairement écouté des groupes anglais. On a même écouté un groupe fake anglais, enfin qui prétendait l'être. Donc vraiment une soirée basée sur l'Angleterre. Quoi qu'on ait commencé cette émission par Cornucopia, groupe allemand pour le coup, avec un extrait de l'album Full Horn, album que je recommande particulièrement aux amateurs de krautrock et aussi de petites fantaisies à tendance zapayenne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Je crois que c'est notre ami Guénolé qui a pris la main pour nous présenter Cabaret Voltaire. On a écouté deux extraits de deux albums différents, The Voice of America notamment, leur premier album. Ensuite, Nico, c'est toi qui as parlé de Com. Tout à fait. Donc là, j'ai choisi deux morceaux qui venaient de Com, de le même album, c'est, qui s'appelle Rampton. Le premier morceau s'appelait Sex, qui était sorti en 79, et le deuxième morceau de même album, qui s'appelait Shaved Slits 2. On a aussi parlé avec Tony, d'ailleurs, ouais, j'ai zappé dans l'ordre, mais tu nous c'était as parlé... en deuxième. Ouais, Compagnia Electrica Dharma. Avec l'album Tramuntana en 1975. Ensuite, je me suis embrouillé dans les noms et les lettres avec ce groupe qui a changé quatre fois de nom, et que je ne me souviens même plus d'ailleurs c'était quoi les noms originaux, mais en tout cas, on a écouté un extrait de quand il s'appelait Second Hand, un extrait de l'album Death May Be Your Santa Claus, et on s'est surtout attardé sur l'album éponyme de Shillom, le projet suivant, projet, casting pour un guitariste, le tout enregistré par un facétieux ingénieur du son qui s'est amusé par la suite avec les ronflements du batteur, entre autres. Donc c'est l'album Shillom, paru en 73 chez Mushroom Records. Ensuite, ça a été à nouveau le tour de Guéno, qui nous a fait découvrir Comus. Alors, on a écouté deux extraits de l'album First Utterance. On n'a pas pu profiter du coup du passage de Lindsay Cooper dans ce groupe-là. Et puis Nico, ensuite c'était toi. Oui, là j'étais à nouveau retourné vers l'Angleterre avec le groupe Anarcho-Punk Crass et on a entendu deux morceaux. Le premier venait de le 45 tour Reality Asylum Shaved Women qui était sorti en 79 et l'année d'après il y a un deuxième 45 tours qui était sorti et là on a entendu le morceau Big A Little A. Décidément Tony, je te zappe ce soir puisque entre temps oui. Tu nous as parlé de Roberto Colombo, désolé. Ouais. Roberto Colombo, ce fameux italien grand fan de Zappa avec l'album Sfogatevi Bestie en 1976. Et ensuite t'es passé à Caspicum Red. Ouais, et à la fin, on a écouté Capsicum Red, ce groupe italien soi-disant venu d'Angleterre, parce que ce soir, c'est l'Angleterre qui a un petit peu gagné, mais c'est un peu normal, et qui n'était pas anglais, mais plutôt italien, avec l'album Appunti per un'idea fissa en 1972. Eh bien, parfait. Merci, messieurs. On va rendre l'antenne avec un dernier titre de Cabaret Voltaire parce que Nico nous a dit que ça a été une erreur. Ça aurait été une erreur de passer à côté. Donc, on va pas y échapper, d'autant que le morceau s'appelle No Escape. Donc, je rappelle les conseils de Nico. Si vous avez un casque, munissez-vous-en. Ou sinon, mettez les enceintes à fond s'il n'y a pas de souci avec les voisins, parce que ça s'écoute à bloc, ce qu'on va écouter là. Donc, No Escape de Cabaret Voltaire pour terminer. Donc, c'était la 9e édition d'Au pied de la lettre. On se retrouve jeudi prochain. Merci beaucoup, les amis. Et, merci. Au revoir. À jeudi. Salut. Bonne nuit. Salut. Salut. Speaks on pole con lì la sciocca lisa mi viene una volta No escape, you baby, I am the tips. No escape, you darling, all night and day. No escape, you baby.